Alors, nouveau bond dans le temps. Donc, on va accueillir Camille Crinchamp. Alors, sur votre programme, c'est marqué qu'elle est de l'université de Cergy-Pontoise. En fait, on se connaît bien avec Camille, parce qu'elle intervient en fait avec nos étudiants à l'université de Lorraine à Nancy. Donc, voilà, je reçois en même temps une collègue et une ancienne étudiante aussi. Donc, on va parler des casernes à Nancy au 19e siècle. On vous écoute. On est... Donc, moi, je vous propose un petit retour dans notre chère ville de Nancy. On va essayer de comprendre comment sont construites ces casernes et comment la présence militaire à Nancy est perçue par les civils. Alors, lorsqu'en 2011, à l'occasion d'une exposition sur les villes en mouvement, un débat rassemble un architecte en chef des bâtiments de France, un adjoint au maire chargé de l'urbanisme, un ingénieur et le directeur général de l'agence d'urbanisme nancéenne. De quoi parle-t-il? Bah, sans surprise, il parle de patrimoine, de rénovation urbaine, mais également des habitants. Des habitants pour lesquels la ville est construite. Parce que, disent-ils, la ville se bâtit et se développe en conformité avec la manière dont les habitants organisent leur vie sociale. La ville est donc, si vous voulez, une forme de miroir de chaque époque. À Nancy, les intervenants constatent que trois grands secteurs socio-économiques ont forgé la ville. Le premier, l'enseignement supérieur. Le deuxième, l'industrie et naturellement l'armée. Au moment où se déroule ce débat, la question centrale est celle de la reconversion des sites militaires déjà désaffectés et donc du départ de l'armée que certains regrettent. L'un des messages forts portés par l'architecte en chef des bâtiments de France est que choisir de restaurer, de conserver un bâtiment, c'est intervenir de façon contemporaine sur un élément d'identité et de mémoire collective venu du passé. Cette formule le montre bien, tout choix urbanistique se fait toujours pour répondre à une question du moment. Vous choisissez toujours de construire, de conserver, de démolir pour le présent, et non pour le futur, non pour les habitants, et non pour faire patrimoine, si vous me permettez l'expression. Cette question de construire ou de détruire, de développer ou de réduire se pose en permanence. Et à Nancy, on va voir qu'elle émerge notamment pour ce qui est du patrimoine immobilier militaire à l'occasion de ce que l'on appelle la deuxième occupation de la ville par les Français, donc de 1670 à 1698. Petit rappel historique, mais vous le savez, je vous rappelle que le duché de Lorraine a cette terre d'entre-deux qui est comprise entre deux puissants voisins, le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Donc, une terre au centre de toutes les convoitises. La France, on le sait, voudrait s'agrandir vers l'est jusqu'aux portes du Rhin, et le Saint-Empire veille et se méfie de toute expansion française. Il suffit dès lors que Charles IV, duc de Lorraine, commette quelques erreurs diplomatiques et politiques, comme par exemple soutenir Gaston d'Orléans, le frère du roi qui est en conflit avec celui-ci, ou alors d'attaquer les alliés de la France pour que la messe soit dite. En effet, le 31 août 1633, les 3 à 4 000 défenseurs de Nancy vont être assiégés par 30 000 soldats français. Et le 24 septembre, la ville est prise. Débute alors ce que l'on appelle la première occupation. Louis XIII va laisser sur place une garnison de presque 6 000 hommes et nomme Monsieur de Brassac comme gouverneur. Et comme cela se pratique habituellement à l'époque, l'entretien des troupes revient à la population locale. Mais cette charge est d'autant plus énorme que, sortant d'années marquées par les disettes, les maladies et la guerre, Nancy ne compte plus que 14 000 habitants. Pendant toute l'occupation de 1633 à 1666, les conflits entre civils et militaires sont incessants, avec des épisodes de grande violence, ce qui va contribuer à rendre Nancy quasiment ingérable à diriger. Entre 1633 et 1643, on a environ 10 gouverneurs qui se succèdent. L'un d'eux, M. Georges de Monchy, en 1638, va édicter une ordonnance selon laquelle tous les dégâts occasionnés par un soldat à la charge de la compagnie sont à la charge de la compagnie, à la suite du terrible constat que la plupart des maisons où ils ont eu jusqu'à présent logement se retrouvent démolies et ruinées. Cela n'a pas suffi. Vous vous en doutez bien. Et il faut probablement voir dans cette première occupation qui se déroule sous haute tension, l'une des raisons majeures et peut-être même la principale, qui ont amené les Français à construire la toute première caserne, la caserne de la Citadelle, dès le début de la deuxième occupation. Les sources ne permettent pas de déterminer avec précision à quelle date la construction a été lancée, mais il semble probable que le projet ait été lancé rapidement après l'entrée des troupes françaises à Nancy. Il semble également probable que ce soit Vauban qui ait mené ce chantier et donc édifié ces casernes. Je vous rappelle que ce dernier est chargé en 1672 de relever les fortifications de Nancy, 10 ans seulement après avoir veillé à leur démantèlement. Durant cette mission, il correspond avec Louvois et leur échange du 5 et 8 avril 1672, dans lequel Louvois confirme avoir reçu les plans et mémoires de Vauban, amène le ministre à confirmer à M. de Choisy, l'intendant des trois évêchés, et lui dit, la résolution que Sa Majesté a prise à l'égard de la fortification de Nancy, et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour les faire exécuter, en s'occupant notamment de réunir les outils, les matériaux, les hommes nécessaires à cet effet. Ainsi, les casernes vont figurer sur l'un des premiers plans à Nancy en 1684. Une autre source nous apprend qu'en 1693, 5000 hommes sont en garnison à Nancy. Sous la plume du capitaine Place, on apprend en effet que la caserne de la citadelle n'abritait que 9 compagnies. Le reste, 4 bataillons d'infanterie, 3 régiments de cavalerie et une compagnie franche logée chez l'habitant. La cohabitation entre civils et militaires à Nancy a longtemps été, on le voit, placée sous le signe d'une extrême tension. Et pourtant, cela n'a pas empêché que lors du débat de 2011, chacun s'entende à considérer que non seulement le départ de l'armée était dommageable, mais également que l'armée était progressivement devenue un élément même du patrimoine et de l'imaginaire nancéen. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment s'est faite cette évolution. Et pour répondre à cette question, on va s'intéresser d'abord à la complexité que représente tout au long de la période choisie le fait de devoir loger et accueillir les troupes en garnison. Dans un second temps, on montrera en quoi les facteurs économiques et financiers ont une large place dans la façon dont les habitants considèrent les militaires. Et dans une troisième partie, nous verrons à travers des exemples, la mise en place progressive d'un modus vivendi, toujours conflictuel, forcément instable, mais qui a forgé la véritable personnalité de la ville. Longtemps, l'histoire militaire s'est consacrée à décrire, à faire revivre, à analyser les grandes victoires, dans l'optique essentiellement de contribuer à la formation tactique et stratégique des officiers. Et l'une des nouvelles orientations de l'histoire militaire depuis quelques années consiste à analyser les différents aspects de l'interdépendance entre le système militaire et la société. Et dans ce champ d'études, ils sont quelques-uns à étudier la nature de l'évolution des relations entre civils et militaires, comme par exemple Stéphane Péréon l'a fait sur la Bretagne. D'autres études sont réalisées ou sont en cours pour Lille, pour Verdun et pour Strasbourg. Et le constat est toujours le même. Au-delà des particularismes régionaux et locaux, la cohabitation entre civils et militaires est extrêmement compliquée. Elle est compliquée avant l'édification des casernes, pour Nancy, à l'occasion de la première occupation, alors que les soldats sont systématiquement logés chez l'habitant, mais elle demeure délicate après que l'on ait commencé à construire des casernes. Pourquoi ? Parce qu'il faut un temps assez long pour que les capacités d'accueil permettent réellement de faire face au nombre de soldats en garnison. Et la situation décrite par le capitaine Place signalée précédemment est vécue par les Nancyens comme étant d'autant plus inacceptable que l'utilité de maintenir une telle force française à Nancy est discutable et discutée. Je prends pour exemple le rassemblement à Nancy en 1674 au profit de Turenne. On a 6000 cavaliers issus de la noblesse qui arrivent en ville et on constate que c'est d'une totale inefficacité militaire et pourtant ça représente un budget énorme sur les bourgeois de la ville. Et dans les années qui suivent, on va voir que les taxes, les impôts, les charges en tout genre viennent encore assommer les Nancéens. En évoquant plutôt la situation de 1693 et 1694, on signale la présence de 5 000 soldats français. On va se rendre compte que ces soldats français ne touchent absolument plus rien de la monarchie. Le trésorier n'a plus un sou dans les caisses, donc qu'est-ce qu'on fait ? On trouve une solution, on distribue des billets à ces soldats et ils échangent ces soldats auprès des commerçants nancéens pour avoir leurs marchandises, pour pouvoir survivre. Vous vous doutez bien qu'ils n'en ont jamais assez, forcément, ils volent dans les maisons et dans les jardins, ça arrive, bien sûr. La capacité d'accueil de la caserne de la citadelle est extrêmement faible. Dans sa configuration initiale, elle est prévue pour accueillir des troupes d'infanterie. Elle offre en gros une 20aine de chambres pour les soldats. On a deux agrandissements, le premier en 1768 et le second en 1787. Il consiste à ajouter un second étage. Ça permet la création de 16 chambres supplémentaires. Sa capacité donc s'élève à 44 chambres, pouvant loger 5 soldats par chambre. Cela ne suffit pas et ça va se traduire dès 1701 par l'installation d'une nouvelle caserne, l'hôtel de la gendarmerie, conçue pour la cavalerie. Cette fois-ci, on compte 60 chambres pouvant accueillir 5 soldats par chambre. Donc vous doutez bien, ça permet d'accroître sensiblement l'offre d'hébergement. 16 ans plus tard, en 1717, on installe deux nouvelles casernes, une dans le quartier Saint-Nicolas et l'hôtel des Suisses. Très rapidement, ces deux quartiers vont être fermés, dès 1727 pour la caserne Saint-Nicolas et dès 1763 pour l'hôtel des Suisses. Alors si l'on en croit le général Dumontier, la fermeture de ces deux lieux ont une signification. Pour le premier, il s'agit de la suppression du régiment du Han. Et pour le deuxième, c'est parce que Stanislas n'a plus de garde suisse. Dans les bâtiments du quartier Saint-Nicolas, qui sont revenus à la ville, on fait installer un refuge pour les miséreux, ce qu'on appelle la tonderie. En fait, à leur arrivée, leurs cheveux étaient coupés pour éviter les parasites. Donc on le voit, on récupère le lieu, une nécessité chasse l'autre. Mais ce qui illustre le mieux la complexité de la question du logement des soldats, c'est une brochure intitulée « Renseignements sur les dépenses militaires de la ville de Nancy ». L'originalité de ce document, qu'on peut dater de 1790, est présentée sous la forme de questions-réponses. En gros, si on traduit maintenant, ça nous fait une espèce de foire aux questions, d'accord, sur le logement des soldats. Donc la première partie de ces questions-réponses est consacrée au logement des officiers. La deuxième, au logement des troupes. La troisième partie va traiter des lits, des bois et des lumières. Et enfin, la quatrième partie traite de la façon dont est organisé l'état-major. Enfin, le document va se terminer sur un espèce d'état récapitulatif des dépenses qui reviennent à la ville de Nancy. Et on se rend compte que cela coûte à la ville par année 40 000 livres. Donc ça nous fait l'équivalent de 500 000 euros. Ce qui est à la fois frappant et remarquable dans ce témoignage, c'est qu'il est aussi complet qu'il est évasif, aussi précis qu'il est naïf. Parce que toutes les questions, une bonne quarantaine, vont permettre de balayer la complexité du sujet. Précis parce qu'on passe par exemple en revue tous les types de fournitures, ustensiles, lits militaires, bois de chauffage, lumière, service des vivres, du fourrage et des hôpitaux. Mais également, qui en a la charge? Est-ce que c'est en argent? Est-ce que c'est en nature? Et qui est et comment est organisée la distribution? On va apprendre ainsi que la fourniture des ustensiles et des lits est une charge répartie entre la ville et le roi. Mais c'est à la ville que revient l'entretien. Par un traité signé par le ministre des Guerres, on se rend compte que la fourniture de bois et de lumière est prise en charge par le roi. Et concernant le service des vivres et du fourrage, la ville met à disposition ses propres magasins, pas de construction. Et pour ce qui est des hôpitaux, la ville ne s'en occupe pas, ça ne la concerne pas. On le voit vraiment, tout est dans les détails. On s'intéresse également aux infrastructures qui vont être accessibles aux soldats. Alors, par exemple, on a la question des lieux d'entraînement. Donc, quels sont les terrains à louer? Qu'est-ce que ça coûte à la ville? Eh bien, on va apprendre que le roi et la ville ne fournissent aucun terrain d'entraînement pour exercer les troupes. Pourquoi? Parce qu'à Nancy, on a énormément de hangars, d'écuries, dans les quartiers, et surtout, on a des grandes places publiques qui permettent aux soldats de s'exercer. Vous vous doutez bien que la rencontre de civils avec militaires occasionne des frictions, c'est obligé. Cette question du coût, de la construction, de l'entretien, de la démolition est omniprésente. Et dans ses négociations avec la monarchie, la ville de Nancy essaye d'obtenir et obtient, à partir de 1836, et pour 5 ans, que le coût des casernements soit fixe. Ainsi, chaque année, la ville va établir un tableau qui rassemble en général les données sur les 2 à 5 dernières années. Dans ce tableau, on va retrouver quoi? On va retrouver notamment le coût pour la ville des frais de casernement, le nombre d'habitants, l'effectif de la garnison, le total et le détail des recettes et des dépenses liées à l'octroi, qui est ensuite rapporté à la population de la ville pour calculer un montant moyen d'octroi perçu par consommateur. permettant alors de calculer un bénéfice résultant pour la ville de la consommation de la troupe. Alors, si on se penche un peu sur les chiffres, on va agglomérer et analyser les données qui sont issues de ces états. Donc, on peut reconstituer une série allant de 1829 à 1851. Bon, exception faite pour l'année 1835, où on n'a aucun chiffre dans les archives, on va effectuer plusieurs constatations. Alors, pour que le tableau soit compréhensible, les deux colonnes qui sont grisées, je les ai ajoutées pour faire des calculs, afin de faire des calculs et que ça vous parle plus. Donc, je vous explique. Les deux premières colonnes donc, sont ajoutées, permettent d'illustrer l'importante variabilité du poids que représentent les troupes en garnison par rapport à la population totale de la ville de Nancy. Dans la première de ces deux colonnes, on peut observer qu'en 1844, on compte 1458 soldats et que ça représente que 3,7% de la population nancyenne. Alors qu'en 1831, les 2758 hommes d'armes comptent pour 8,48% de la population nancyenne. Donc on a un rapport sur les exemples que je viens de vous donner qui va presque du simple au double. Vous vous doutez bien que les événements politiques et sociétals font augmenter ou diminuer la présence des soldats dans la ville, forcément. Dans la deuxième colonne, on constate que l'évolution d'une année sur l'autre du nombre de militaires présents est particulièrement erratique. Sur 20 ans, par exemple, on observe 10 années de baisse et 10 années de hausse, avec des changements d'amplitude qui sont considérables, dans un sens comme dans l'autre. On va prendre comme exemple entre 1831 et 1832. On est à plus 54%. Une autre année, pour que ça vous marque, on va prendre entre 1842 et 1843. Là, on est à moins 25%. Ainsi, en 3 ans, on peut passer du plus haut, de 1892 hommes d'armes en 1841, et au plus bas, 1458 en 1844. Ça permet quoi ? Ça permet de comprendre la programmation de la construction, de l'agrandissement ou de la fermeture des casernes qui peut nous sembler parfois très improvisée. Le document le plus explicite en la matière est probablement un dossier qui est constitué en 1848 pour tenter d'obtenir la création d'une nouvelle caserne de cavalerie. Ce dossier est intitulé « Notes sur les avantages que peut procurer à une ville de garnison la présence d'un régiment de cavalerie ». Et il s'agit vraiment d'un argumentaire destiné à montrer l'intérêt qu'il y aurait pour la ville, mais également pour ses habitants, à valider cette création. Donc dès l'introduction, on a deux idées fortes qui sont mises en avant. Le premier avantage, c'est pour les finances de la ville, forcément. Ce premier avantage, donc, ça serait lié à l'augmentation des bénéfices de l'octroi. Le deuxième avantage, cette fois-ci pour les habitants, serait lié à un renchérissement du coût d'un certain nombre d'objets et à l'accroissement d'une activité commerciale. Une première partie présente les bénéfices municipaux qui s'établissent, dans l'exemple donné, à plus de 17 000 livres, auxquels devrait s'ajouter une quantité difficile à évaluer, liée à l'amélioration du fonctionnement de l'octroi, conséquence supposée de la présence d'un nouveau régiment. Mais l'essentiel du dossier est consacré aux bénéfices des habitants, présentés en deux sous-parties. La première propose une évaluation de l'intérêt qu'il y a pour les citoyens à voir le renchérissement de certaines données. Mais le raisonnement va se perdre rapidement dans des calculs, c'est pas très clair au final. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit résumé qui met en évidence les gains attendus. Et les gains, forcément, ils sont financiers. Mais vous vous doutez bien que cette façon de présenter les choses est extrêmement marquante, puisque le gain financier, en quoi pourrait-il effacer les tensions, les violences, les nuisances faites par les soldats auprès des habitants? Enfin, ce qui est absent de ce rapport, c'est la dimension de protection. On n'a aucune référence dans l'argumentaire à cette dimension de protection. Entre 1670 et 1770, la Lorraine connaît une histoire agitée, rythmée par les occupations françaises. Donc de 1670 à 1698, de 1702 à 1714 et de 1733 à 1766. Mais également par tous les conflits européens qui vont venir ébranler sa situation. En 1750, trois casernes sont encore en activité. La caserne de la Citadelle, donc la toute première, la caserne Saint-Jean et l'hôtel des Suisses. Mais à nouveau, l'offre de logement est insuffisante et de nouveaux lieux sont investis à compter de 1755. Un pavillon qui est destiné aux officiers est installé dans l'ancienne intendance et sur l'emplacement de l'ancien opéra détruit par un incendie, qui est démoli en 1749, on érige le quartier neuf, qui connaît un premier agrandissement dès 1757 et se voit lui aussi adjoindre un pavillon d'officier en 1765. La période se prête à l'expansion. Et en 1764, Stanislas lance un grand projet, celui du quartier royal, ou caserne Sainte-Catherine. Stanislas engage 71 000 livres de Lorraine, environ 500 000 euros, complété par 400 000 livres apportés par la ville, environ 3 millions d'euros. Et la monarchie est aussi sollicitée et s'engage à financer ses travaux à hauteur de 300 000 livres, donc 2 250 000 euros. Stanislas ne verra pas la fin des travaux, puisqu'il meurt en 1766, marquant de fait le rattachement définitif du duché à la France, et ce sont donc des troupes françaises, en l'occurrence le régiment des grenadiers en France, qui, en 1768, sont les premiers occupants de cette nouvelle caserne. Quelques années plus tard, la Révolution française éclate. Quatre casernes sont opérationnelles. La caserne de la Citadelle est rebaptisée Charlemont, la caserne Saint-Jean devient le quartier Le Pelletier, et le quartier Neuf et le quartier Royal conservent leur appellation. Trois régiments sont en garnison à Nancy. Les premiers troupes vont avoir lieu lorsque le régiment du roi se mutine après quelques mois d'agitation. Et en août, c'est ce qu'on appelle l'affaire de Nancy. Le 29 août, les mutins vont s'emparer des armes conservées à l'arsenal, soit 4000 fusils. Et le marquis de Bouillé, qui est commandant en chef des armées stationnées en Lorraine, décide de monter une expédition pour ramener l'ordre. Le 30 août, on a un contingent messin qui se met en chemin. Le 31 août, stationné aux abords de Nancy, Bouillé va faire connaître à une délégation des rebelles ses conditions. Tout devrait se passer dans le calme, mais vers 16 heures, les coups de feu éclatent. Bref, comme d'habitude. Pendant 3 heures, le combat de rue fait rage. Les bilans vont varier. On dit qu'il y a entre 300 à 500 morts, entre environ 500 prisonniers. On a un régiment qui est totalement décimé et les deux autres, finalement, n'opposent pas de résistance et capitulent très rapidement. Les sources locales vont insister sur l'absence totale, voire quasi inexistante, de victimes civiles. Mais à Paris, Camille Desmoulins ou Louis Blanc s'emparent de l'affaire et parlent de massacres de civils, de femmes ou d'enfants, ou bien alors d'égorgement de femmes et d'enfants, et on arriverait à un total de 3 000 victimes civiles. L'un des faits marquants de cet épisode, c'est la fraternisation que toutes les sources semblent confirmer entre les soldats rebelles et les civils nanciens. Certains témoins, notamment Messin, insistent sur le fait que ce sont les civils qui accompagnaient les mouvements militaires qui auraient essentiellement été des agitateurs. Il y avait avec eux, donc dans les rangs de ces civils, des brigands et des femmes perdues. Mais les députés de la garde nationale de Nancy vont affirmer que les citoyens qui ont pris les armes ont pris les armes pour des causes nobles, forcément. Donc ce rapprochement entre une partie de la population de Nancy et les troupes en garnison se déroule dans des circonstances particulières. Pourtant, il semble avoir laissé des traces mémorielles fortes et surtout avoir créé un lien fort entre les citoyens et les militaires. De nouvelles casernes vont être installées en 1826 dans le couvent des Prémontrés et dans celui des Petites Carmélites, puisqu'ils vont être acquis comme biens nationaux durant la Révolution. La première va être intégrée au quartier Saint-Jean et la seconde fermera en 1879. L'armée est désormais un élément à part entière de la vie nancéenne. Deux pétitions citoyennes de 1847 et 1858 en apportent une démonstration éclatante. En gros, les citoyens nous disent qu'ils sont choqués du fait que le régiment de cavalerie qui était à la caserne de la Citadelle pourrait disparaître, qu'on pourrait lui enlever, que la caserne de la Citadelle n'aurait plus aucune activité, et font donc cette pétition pour qu'aucune autre caserne soit construite dans les environs de la ville ou dans l'enceinte de la ville ou alors dans une ville avoisinante. Alors, donc je vous avais fait un petit plan qui résume l'emprise au sol de la présence des casernes durant le XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, on le voit, l'idée de voir partir une caserne ou l'éventualité de l'implantation d'une nouvelle est ressentie déjà comme une restructuration de l'armée et est mal vécue par les civils. Les militaires et leurs casernes font désormais partie intégrante de la ville de Nancy, de son patrimoine, de la vie quotidienne des quartiers et a marqué de son empreinte la cité. Alors pour conclure très rapidement, bien qu'elle ait commencé douloureusement, l'histoire qu'entretient la ville de Nancy avec l'armée et ses casernes est riche, riche d'une mémoire partagée, riche des traces inscrites au plus profond du tissu urbain. L'armée d'occupation, dont la présence provoquait initialement de la colère, a trouvé et a pris sa place au sein de la ville. Et on retrouve, comme dans les autres études, un schéma classique, hein, c'est-à-dire tension, violence, plainte, ressentiment, mise à distance, et ensuite une normalisation des choses. En gros, les étapes habituelles du processus. La caractéristique commune à tous les espaces qui voient cohabiter civil et militaire est que la qualité de la relation civilo-militaire est toujours soumise à des variations, allant de l'opposition à la coexistence pacifique. Ces fluctuations, on l'a vu, peuvent être liées aux événements, mais également à l'évolution des effectifs. Les deux sphères, sphère civile et sphère militaire, si parfois elles tendent à s'isoler l'une de l'autre, pour éviter les accrochages, elles ne sont jamais hermétiques l'une à l'autre. Ça, c'est important, il faut le retenir. Elles s'appuient forcément l'une sur l'autre pour se développer. Et 10 petites secondes et j'ai fini. Voici, pour ceux qui connaissent Nancy, ce que sont devenues les actuelles les casernes dont je vous ai parlé. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.